بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ثم ذكر الدرني شابيت خديلي الشيخ عبد الله الصومالي حفظه الله تعالى ذكر بعض الشبه والرد عليها va citer certaines ambiguïtés et répliquer à ces ambiguïtés. الشبهة الأولى استدل بعض المنحرفين في إباحة أخذ العلم عن أهل البدع بما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. Cheikh dit, la première ambiguïté, c'est que certains qui ont dévié de la voie du puiseur d'Allah alayhim ont pris comme preuve, comme quoi, pour autoriser le fait d'apprendre la science et les gens de l'innovation, ce qui est rapporté par l'imam Bukhari, rahmatullah alayhi, dans son authentique du hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radwanullahi alayhi majma'in, dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset, et parlez, annoncez ce que vous ont dit Banu Israël, il n'y a aucune gêne. الجواب يقول الشيخ فنجيب عن هذه الشبهة بوجهين فنقول الشيخ الجي لا ريبليك ا سا لا ريبونس ا سا سي دو دو كاد فيغور. الوجه الاول قال الامام البخاري في صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسالوا اهل الكتاب عن شيء. وقال ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهتا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. قال الحافظ في الفتح وقال ابن حبان في كتاب التقاث أراد معاوية أنه يخطئ أحيانا فيما يخبر به ولم يريد أنه كان كذابا. Le premier cas de figure pour répliquer à cette ambiguïté, c'est que l'imam Bukhari lui-même, dans son authentique, il a ouvert un chapitre, la parole du prophète qui dit « Ne demandez rien aux gens du livre. Ne demandez rien aux gens du livre. » Et il a dit qu'Abu Yaman nous a annoncé que Shu'aib leur a dit de Zuhri, qu'il aura annoncé que Humayd ibn Abdurrahman a entendu Mu'awiyah radiyallahu anhu parler à certaines personnes de Quraysh à Médine, et il a cité Ka'b al-Ahbar, qui était un noble compagnon, qui faisait partie des gens du livre, mais Allah subhanahu wa ta'ala, converti, est devenu un noble compagnon. Et il a dit, il était véridique, il est le plus véridique parmi ceux qui nous parlent des gens du livre. Et même si, des fois, il fait des erreurs des fois, même si des fois, il a des erreurs. Mais il est le plus véridique de ceux qui nous parlaient des gens du livre. Yaqul haddathani Muhammad ibn Bashar, haddathana Uthman ibn Amr, akhbarana Ali ibn Mubarak, an Yahya ibn Abi Kathir, an Abi Salamat, an Abi Huraira taqal, kana ahlul kitab yaqra'una at-tawrata bil'ibraniya, wa yufassirunaha bil'arabiyyati li ahli al-islam, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tusaddiqu ahlul kitab, wa la tukadzibuhum, wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ilaykum. Donc avant d'entamer sur la deuxième partie là, ce qu'a dit Muawiya, qu'ils se trompaient des fois, c'est-à-dire Ka'b al-Ahbar, quand il leur parlait des gens du livre, ils se trompaient. Et ceci est rapporté par Ibn Hibban dans le livre des dignes de confiance. Et il est, dans le deuxième paragraphe, il dit qu'il nous a été, Mohammed ibn Bashar nous a dit, de Uthman ibn Amr, qu'il nous a annoncé, de Ali ibn Mubarak, de Hiya ibn Abi Kathir, d'Abi Salama, d'Abi Huraira, il leur a dit, les gens du livre, à l'époque du prophète, leur lisaient Torah, il lisait Torah en hébreu. Il l'expliquait en arabe. Il l'expliquait en arabe aux gens de l'islam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ne prenez pas comme véridique ce que disent les gens des livres. Et ne prenez pas comme mensonge ce qu'ils vous disent. Mais dites, nous avons cru en Allah et ce qui nous a été descendu et ce qui vous a été descendu. Ne prenez pas comme véridique, ni ne rendez pas mensonge. Ne dites pas que c'est un mensonge. Mais dites, nous avons cru en ce que Allah nous a descendu, ce qu'il vous a descendu. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. Et toujours dans l'authentique du Bukhari, après la chaîne de transmission, quand Abdullah ibn Abbas a dit, comment vous posez des questions aux gens du livre? Comment vous leur posez des questions sur quelque chose? Alors que votre livre, qui est descendu sur le messager d'Allah, est frais. Vous le lisez. Il est frais, il n'y a aucune erreur qui s'est mise dedans. Alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vous a annoncé que les gens du livre ont falsifié, ont changé dans le livre d'Allah. Ils ont écrit avec leurs mains le livre. Ils disent que ça, ça vient d'Allah pour le vendre à vil prix. Est-ce que ce que vous avez reçu comme science ne vous interdit pas de leur poser des questions? C'est-à-dire ce que vous avez comme science, c'est-à-dire la science que vous a transmise dans le livre d'Allah, la sunna du prophète, ne vous interdit pas de leur poser des questions? Il a dit, radiyallahu anhu, nous avons jamais vu un homme de livre vous poser des questions sur ce qui vous est descendu. Un autre problème, c'est qu'on ne leur pose pas des questions. On leur donne le manbar. On leur donne la place à l'intérieur de la mosquée. Ah, dans notre problème. Ah. قال ابن بطال في شرحه صحيح البخاري قال المهلب هذا النهي إنما هو في سؤال عما لا نص فيه لأن شرعنا مكتف بنفسه فإن لم يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم السالفة وأما قوله تعالى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فالمراد به من آمن منهم والنهي إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهم انتهى ملخصا ابن بطال de dire dans son interprétation de Sahih al-Bukhari le muhallab a dit cette interdiction il concerne le fait de leur poser des questions sur les choses dont, sur lesquelles on n'a pas de texte dans notre législation. Alors, il dit parce que notre législation est suffisante. Il est complète. Et s'il n'y a pas de texte concernant une situation, l'effort d'interprétation des hommes de science est suffisant pour nous pour aller demander aux gens du livre. Et il dit, il ne rentre pas dans cette interdiction, le fait de qu'il est interdit de demander aux gens du livre, le fait de leur poser des questions sur des annonces véridiques. Des annonces qu'ils ont dans leur livre qui prennent comme véridique ce qu'il y a dans et qui vont de pair avec notre législation et de leur demander les nouvelles véridiques des communautés qui sont passées avant nous. Il dit contre ce qui concerne la parole d'Allah qui dit et demande à ceux qui lisent les livres avant toi. Il dit ça, ce qui est concerné à qui il faut demander à ceux qui ont cru parmi eux. Cru en quoi? En le Coran et en Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais quant à ceux qui n'ont pas cru en le Coran et en Mohammed, il ne faut rien leur demander. وقد جاء أن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أم تهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي إلي غابورتي أوسي par l'imam Ahmed et d'autres, qu'Omar ibn Khattab est venu voir le prophète alayhi salam. Il a dit, nous entendons des hadiths des Yahoud, des paroles des juifs. Et leurs paroles ne plaisent. Est-ce qu'on l'écrit? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes dans l'hésitation? Vous êtes dans l'hésitation? Comme sont dans l'hésitation les juifs et les chrétiens? Je vous l'ai ramené clair. C'est-à-dire ce que je vous ai ramené. Cette religion que je viens de vous ramener, il est clair. Il est pur. Et si Moussa, alayhi salatu wassalam, était vivant, elle ne ferait autre chose que me suivre. suivre qui? Moussa, s'il était vivant à l'époque du prophète, il va suivre Muhammad alayhi salatu wassalam. وقال البغوي في شرح السنة بعد أن خرج هذا الحديث قوله هو متهوكون أي متحيرون أنتم في الإسلام لا تعرفوا دينكم حتى تخذوا من اليهود والنصارى et البغوي dans l'interprétation dans شرح السنة en interprétant ce hadith en arrivant à cette phrase متهوكون est-ce que ça veut dire est-ce que vous êtes dans l'hésitation dans votre islam vous ne connaissez pas votre religion. Vous êtes dans le doute dans votre religion pour que vous le preniez des juifs et des chrétiens. وقال الذهبي في السير عند ترجمة عبد الله بن عمرو ولا يشرع لأحد بعد نزول القرآن أن يقرأ التوراة ولا أن يحفظها لكونها مبدلة محرفة منسوخة العمل قد اختلط فيها الحق بالباطل فلتجتنب فأما النظر فيها للاعتبار أو للرد على اليهود فلا بأس بذلك للرجل العالم قليلا والإعراض أولى انتهى كلامه رحمه الله الدهبي dans Sir à côté de la biographie d'Abd Allah ibn Amr il dit il n'est pas permis après la descente du Coran à quelqu'un de lire la Torah ou de la mémoriser parce qu'il a été falsifié et parce qu'il a été abrogé et on n'a plus à la mettre une application. Il a été abrogé par ce qui est ordonné dans le Coran et parce que dans la Torah a été mélangé le vrai du faux, il vaut mieux, il faut l'éviter. Quant au fait de jeter un regard dedans pour prendre la leçon et pour répliquer aux juifs, il n'y a aucun mal pour celui qui a peu de science. Mais celui, il dit, pour celui qui a peu de science, il faut qu'il évite. Ça veut dire que doit jeter un regard dedans que ceux qui ont la science, qui savent déceler le vrai du faux. Hein? Mais ceux qui ne savent pas, éloigne-toi, Akhal Islam. Hein? Tu vas te perdre. Tu vas tomber sur ta tête. Tu vas faire très mal. الوجه الثاني هو أن يقال لهؤلاء تجويزكم أخذ العلم عن أهل البدع قياسا أهل على أهل الكتاب قياس مع الفارق وذلك لأمور. Et la deuxième cas de figure de réplique à cette ambiguïté, c'est quand vous dites qu'il est permis de prendre la science et les gens de l'innovation en faisant l'analogie avec le fait avec les gens du livre, ceci est une analogie avec la différence. Et pour plusieurs cas de figure, l'amr al-awwal, أن الحديث بقوله قيد بقوله لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فأنت المتحير إذا كنت دارسا عند مبتدع فهل تطبق هذه الجملة من الحديث بحيث إنك تبقى عنده من غير أن تصدق له قولا أو تهز رأسك لكلامه لأنك ما جلست عنده إلا رغبة فيما عنده. Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, le premier cas de figure pour répliquer à ça, c'est dans ce hadith, il y a une condition à laquelle il faut faire attention. Ne prenez pas comme véridique ce qu'ils vous disent et ne rendez pas mensonge ce qu'ils vous disent. Il dit, mais toi, qui es dans l'hésitation, quand tu vas étudier chez les gens de l'innovation, est-ce que tu vas mettre en application cette phrase, cette condition, de ne pas prendre comme véridique ce qu'ils disent et de ne pas prendre comme mensonge ce qu'ils disent? Hein? Hein? Parce que si tu es venu chez cet homme de l'innovation pour apprendre, tu es venu pour apprendre, par envie d'apprendre chez lui. Donc cette phrase, tu ne vas pas la mettre, cette condition, tu ne vas pas la mettre en application. L'amr al-thani, أنه قد يكون امتناع الدراسة عند أهل الأهواء عقوبة لهم وزجرا عما هم فيه وهذا يشرع في حقهم بخلاف أهل الكتاب من اليهود والنصارى. Et le deuxième cas de figure de la réplique. C'est que l'interdiction d'étudier chez les gens de l'innovation, c'est pour les punir, pour qu'ils le sentent très mal, qu'il n'y ait plus personne qui reste devant eux, que ça leur fasse très mal, pour qu'ils reviennent et se posent des questions dans l'égarement dans lequel ils sont et qu'ils reviennent alors à la voie droite. Et ça, c'est légiféré concernant les gens de l'innovation et ce n'est pas légiféré en ce qui concerne les gens, les juifs et les chrétiens et les gens du livre. Yaqoul, كما يشرع هجران أهل الأهواء ولا يشرع هجران الكفار من اليهود والنصارى. Comme il est légiféré de mettre à la quarantaine et de laisser de côté les gens de l'innovation, mais il n'est pas légiféré de mettre de côté les mécréants et les juifs et les chrétiens. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: فإن قيل إنك تبيح كلام أهل الشرك بالله ولا توجب على المسلمين هجرتهم، فكيف ألزمتنا هجرة أهل البدع والفسوق وهم بالله ورسوله مقرون؟ قيل إن حضرنا ما حضرنا وإطلاقنا ما أطلقنا لم يكن إلا عن أمر من لا يسعنا خلاف أمره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Ibn Battal, dans l'interprétation de Sahih al-Bukhari, il dit: si maintenant on te dit, mais tu permets la parole des gens de l'association, tu permets le fait de parler aux gens de l'associationnisme qui font des associés à Allah, et tu fais obligatoire pour les musulmans de délaisser, de mettre à la quarantaine les gens qui suivent l'innovation et les pervers, alors que les innovateurs et les pervers reconnaissent Allah et son messager. Il dit, rahimahullah, le fait d'interdire, d'agir ainsi, de l'interdire au sens large du terme, c'est parce que c'est un ordre qui nous est arrivé de ceux auxquels on ne peut pas être en divergence avec leur ordre. Ça, c'est l'unanimité des hommes de science. Ils le prennent du livre d'Allah et de l'authentique, de la sunna du prophète. On ne peut pas faire autrement. وقال الحافظ في الفتح مقرا على ذلك. الحافظ dans l'interprétation de Sahih al-Bukhari confirme sur ça, il approuve, il a dit: وقد استشكل كون هجران الفاسق او المبتدع مشروعا ولا يشرع هجران الكافر وهو اشد جرما منهما لكونهما من اهل التوحيد في الجمله. Et الحافظ il dit: ça a été une problématique pour certains, le fait de mettre à la quarantaine les pervers et les innovateurs, et que ça se soit légiféré, et qu'il n'ait pas légiféré le fait de mettre à la quarantaine les mécréants, alors dans le crime ils sont pires que les innovateurs. Parce que les innovateurs font partie de la communauté musulmane et des gens du monothéisme en général. يقول الحافظ: وأجاب ابن بطال بأن لله أحكاما فيها مصالح للعباد وهو أعلم بشأنها وعليهم التسليم لأمره فيها. Et il dit, ابن بطال a répondu à ça. Il a dit: Allah subhanahu wa ta'ala dans ses jugements et dans ses sentences, il y a des sagesses, il y a des buts bien précis dans lequel il y a un bienfait pour les serviteurs. C'est-à-dire, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a instauré comme loi, et a légiféré comme loi, c'est un bienfait pour ses serviteurs. Et c'est lui qui connaît, c'est-à-dire c'est Allah qui sait ce qui est mieux pour les serviteurs, ce qui est bon pour eux, ce qui est mauvais pour eux. Et c'est les serviteurs n'ont qu'à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَجَنَحَ إِلَىٰ أَنَّهُ تَعَبُّدُ لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ. Et Ibn Battal a été que ça, cet ordre-là, de mettre à la quarantaine les gens de l'innovation, c'est une adoration, même si tu ne comprends pas la raison, et que tu n'arrives pas à le comprendre, tu te soumets parce que c'est un ordre. Et toi, l'islam, ça veut dire soumission totale à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mettre en application les ordres et s'abstenir de ce qu'il t'a interdit. وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْهِجْرَانَ عَلَى مَرْتَبَتَيْنِ. Et d'autres ont répliqué, ont répondu aussi, ils disent, le fait de démettre à la quarantaine, de délaisser, ça se fait par deux étapes, et là, deux degrés, plutôt. Al-hijran bil qalb, ou al-hijran bil lisan. Le fait de délaisser avec le cœur, et de mettre à la quarantaine avec le cœur, et le fait aussi de délaisser avec la parole qui ne lui parle pas. Fa-hijran al-kafir bil qalb. وبترك التودد والتعاون والتناصر لا سيما إذا كان حربيا وإنما لم يشرع هجرانه بالكلام لعدم ارتداعه بذلك عن كفره بخلاف العاصي المسلم فإنه ينزجر بذلك غالبا. انتهى كلامه رحمه الله. Et toujours les paroles sont à الحافظ في الفتح. Il dit: le fait de mettre à la quarantaine et de s'éloigner des mécréants avec le cœur, c'est de délaisser d'avoir la sympathie dans ton cœur avec lui. Et de, dans ton cœur, tu ne souhaites pas qu'il triomphe sur les musulmans et qu'il ait le triomphe, qu'il ait la suprématie. Surtout quand c'est un mécréant qui est un mécréant qui fait la guerre aux musulmans. Il dit, il n'a pas été légiféré le fait de ne pas lui parler, parce que le fait de ne pas lui parler, ça ne va pas le remettre à sa place, et ça ne va pas l'empêcher de sa mécréance. Alors que le pervers parmi les musulmans ou l'innovateur, quand tu le mets à la quarantaine, tu ne lui parles pas, ça va lui poser des questions et peut-être il va revenir. Bidnillah Azza wa Jal. يقول الأمر الثالث وهو أنه لا يغتر المسلمون بالكفار كما يغترون بأهل الأهواء لأن فساد الكفار وضلالهم أظهر للعوام من فساد أهل الأهواء بحيث إنهم يظهرون للناس الصلاح من الصلاة والصيام والزهد وإلى غير ذلك فيغتر بهم المسلمون ويركنون إليهم وإلى بدعهم فنسأل الله رب العرش العظيم أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه والله سبحانه وتعالى على وأعلم. Il dit le troisième cas de figure pour expliquer à tout ça cette première ambiguïté, c'est que les musulmans ne se font pas avoir avec les paroles des mécréants comme ils se font avoir avec les paroles des innovateurs, parce que le mal dans lequel sont les mécréants, il est clair pour les musulmans, même pour le commun des musulmans. Mais le mal dans lequel se trouvent les innovateurs n'est pas clair chez les musulmans, et c'est le commun du musulman. Parce que dans l'apparence, tu le vois, hein, il montre le bien, il montre la sunna, la prière, le jeûne, hein, l'ascétisme, le fait de se suffire peu de ce bas monde et ainsi de suite. Et les musulmans se font avoir et tombent dans son filet dans ces cas-là. Ils tombent dans son innovation. Muhasibi, à l'époque de l'imam Ahmed, avait de la science, il avait de l'éloquence, il parlait. L'imam Ahmed s'est caché pour entendre ce qu'il dit. Parce que si l'imam Ahmed venait en sa présence, il ne va pas dire les énormités. Donc il s'est caché pour parler. Et il a continué à parler à tel point. L'imam Ahmed, derrière, il pleurait. Ses paroles l'ont atteint, il pleurait. Et malgré tout ça, il s'est levé, il a dit, éloignez-vous de lui, éloignez-vous de lui, éloignez-vous de lui. Hein? Les hommes de science, ceux que Allah a comblé du bienfait de la science, Allah ne parle pas du vide à l'islam. Hein? Et la religion, si la religion, entre pas les sentiments et ce que tu as envie de faire, et la sympathie que tu as avec tel ou tel, de tel groupe ou tel groupe. Là, la sympathie n'a rien à voir. La sympathie doit être conditionnée avec Allah a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont dit. Hada la religion. La sympathie, tu la mets de côté. Sinon, tu vas te faire perdre. Tes sentiments vont te perdre. Ils vont t'égarer de la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'égarement dans lequel se trouvent les égarés à notre époque, si c'était un bien, Rasoul serait, il aurait appelé à ça. Les compagnons, Abu Bakr, Omar, tu crois que les innovateurs qui vivent maintenant aiment mieux Rasoul sallallahu alayhi wa sallam que les innovateurs de notre époque aiment mieux Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qu'Abu Bakr, qu'Omar, qu'Outhman, qu'Ali et que les autres compagnons? Abedan. Et si c'était un bien, la voie dans laquelle ils sont, si c'était un bien, ça aurait été eux les premiers à être dans cette voie-là. Mais ils n'y sont pas parce que c'est un grand mal. Enfin, il faut faire très attention. Yaqul al-Sheikh al-Shubhat al-Taniya, wa hiya annahum qalu al-Salaf al-Salih, qad rawaw an ba'd al-Mubtadi'at wa nahnu ma'murun bi-ittiba' al-Salaf, fana'khud an ahl al-Bid'ah kama akhadhu anhum. Et la deuxième ambiguïté, ils disent que Salaf Saleh, les plus élevés d'Allah Alayhi, ils ont transmis certains hadiths, certains innovateurs. Ils disent, et nous, il nous est obligatoire, il nous a été ordonné de suivre Salaf Saleh, donc on prend des gens de l'innovation comme ils ont pris d'eux. Al-Jawab, wa yujabu an hadi shubhati min talathati awji. Il a répliqué à cette ambiguïté, ce fait de trois, quatre figures. Al-Wajhu al-Awwal. هو أن جماعة من السلف منعوا الرواية عن أهل البدع مطلقا وهو قول ابن سيرين ومالك وابن عيينة والحميدي وغيرهم رحم الله أئمة المسلمين. La première cas de figure pour répliquer à cette ambiguïté, c'est qu'un nombre des salaf ont interdit le fait de transmettre et de prendre les hadiths des innovateurs et de le transmettre des innovateurs. Dans le sens large du terme, l'interdiction. Sans exception. Et c'est la parole sur laquelle est Ibn Sirin, rahimahullah, l'imam Malik, Ibn Ayyina, Al-Humaydi et d'autres. Rahmatullahi alayhi wa jma'in. يقول ومما يؤيد ذلك جعلهم أي أهل الحديث من تعريف الرجل الثقة أو المقبول أن يكون عدلا ثم فسر بالعدل من كان له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة ثم قالوا التقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة إذن فالمبتدع على غير على هذا غير ثقة. Et ce qui va renforcer cette première position d'Yel Salaf, d'Yel Imam Malik, d'Ibn Sirin, d'Ibn Uyna, d'Ibn Humaydi et d'autres qui ont suivi cette voie, de ne pas prendre au sens large du terme les hadiths des innovateurs, ce qu'ils ont dit les gens des hadiths, pour la définition de l'homme digne de confiance, Ibn Qaboul nous dit que c'est un adl, il doit être adl. Et à la terminologie du adl, ils ont donné cette explication. Il faut qu'il ait la capacité d'être toujours dans le taqwa, dans le fait de préserver les droits de Allah, et dans la capacité d'être tout le temps et constamment dans le bon comportement. Ils ont dit taqwa, c'est le fait de délaisser les mauvais actes, l'associationnisme, la perversité et les innovations. Et, cher de dire ici, donc, l'innovateur n'est pas assez, n'est pas digne de confiance, n'est pas un tiqa dans ces cas-là. Et ouais, je veux t'aider. Si il est tiqa, il va innover dans la religion d'Allah. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afiyah. Le wajhu thani, wa huwa anna ashab hadhihi shubha, qad jahalu tahqiq al-qawl fi hadhihi al-mas'ala, lianna al-ulama qad dhakaru liqabuli riwayat al-mubtadi' arba'ata shurut. Le deuxième cas de figure pour répliquer à cette ambiguïté, c'est que les gens de cette ambiguïté, propagent cette ambiguïté, ont ignoré la voie sur laquelle étaient les puissants d'Allah pour accepter la transmission du hadith de l'innovateur. Et que les hommes de science ont émis à ça des conditions, quatre conditions, pour pouvoir prendre le hadith de l'innovateur. الشرط الأول أن تكون بدعته غير مكفلة بالإجماع فخرج بهذا الشرط من كانت بدعته مكفلة. La première condition, c'est que l'innovation de celui-là, de cet innovateur, hein, ne soit pas une innovation qui sort de l'islam. Et ça, à l'unanimité. Et donc, avec cette condition, sort de quoi ? Toute. Hein, l'innovation qui rend mécréant la personne, on ne prend pas de lui. Le hadith. Hadash chez ceux qui voient le fait de prendre le hadith de qu'avaient les innovateurs à l'époque ancienne. C'est la première condition. الشرط الثاني أن يكون غير داع إلى بدعته ونقل على هذا الشرط إجماع الشافعية عليه فخرج بهذا الشرط جميع مبتدعة زماننا لأنه ما من مبتدع منهم إلا ويدعو إلى بدعته إما بأقواله أو بأفعاله أو بسكوته ولا ينكر ذلك إلا مكابر قاله شيخنا يحيى الحجر حفظه الله تعالى. Et la deuxième condition, il dit qu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui prêche pour son innovation. Et le consensus est sur cette condition. Le consensus de l'école du Shafi'iyya est sur cette condition, qu'il ne doit pas être quelqu'un qui appelle à son innovation pour prendre le hadith de lui. Avec cette condition, sont outside, en dehors, les innovateurs de notre époque. Ils sont outside, dehors. Pourquoi ? Par chaque innovateur de notre époque, il appelle à son innovation. Que ce soit par ses paroles, par ses actes, par le fait qu'il se tait, qu'il ne blâme pas l'innovation de son groupe. Il ne rejette ça que quelqu'un qui est entêté. Et ceci a été dit par Cheikh Yahya al-Hajouri, et c'est véridique. T'as déjà vu un tablier qui n'appelle pas à son khourouj ? T'as déjà vu un ikhwan qui n'appelle pas quand il enseigne à la voie politique de sa tendance ? Il y a toutes les énormités qu'il y a dans sa tendance. Tu l'as vu ? T'as déjà vu un tkfiri qui n'appelant pas au fait de rendre mécréants les gouverneurs ? Et ainsi de suite. T'as déjà vu un Ahbash qui n'appelle pas à son égarement ? Où est-ce que tu as vu ça ? Jamais de la vie. Tous, quand ils enseignent ou là, quand ils sont dans une cour, ils appellent à leur égarement. Jamais de la vie, il va te laisser partir comme ça. Il va te jeter son venin. Et leurs paroles sont des fois sont des paroles mielleuses, et des fois, comme disaient certains, c'est du lait, du lben. Le lben, c'est bon, yak. Mais tout simplement, avant qu'on te le serre, le récipient dans lequel on va te le servir, on l'a passé, on l'a rempli d'urine. On a versé l'urine, on t'a servi le lben. Hein? Et c'est du miel dans lequel il y a du poison. Du miel dans lequel il y a du poison. Hein? Enfin, il faut faire très attention à l'islam. Et en plus de ça, quand son groupe, on a marre de lui, ben il l'empêche d'enseigner. Si jamais il ne parle pas, si jamais il veut ramener une opinion ou quoi que ce soit qui est à l'encontre de son groupe ou de leurs idées, ils le mettent de côté. Ah, t'as demandé à vos frères qui étaient 15 ans avec Tabler qui sont revenus. Maintenant, comment on est? On les jette. Même salam, ils ne leur disent pas. Avant, c'était l'hbab, l'hbab. Ils serraient dans les bras. Maintenant, on les traite de juifs. On dit d'eux qu'ils sont des juifs. Et certains, ils me l'ont dit à moi. Ils m'ont dit à moi. Ils m'ont dit, tu vois, tel. 25 ans, on est resté avec eux. Je dis une fois, tu vois, telle personne. Et cette personne, je la connais, c'est un ami intime maintenant. Et il est revenu, ça fait plus de 11 ans maintenant, il a passé 25 ans de sa vie avec eux. Et il m'a dit, j'étais comme ça, il m'a dit, tu vois tel avec qui tu es? Il va sortir de l'islam. Tu vas voir, il va raser sa barbe. Il me l'a dit il y a 10 ans, ou il y a 9 ans. Le mec, il est toujours dans la droiture, il est toujours dans la sunna, il préserve ses prières, il est etc. Ainsi que ses enfants, alhamdulillah. Et tu n'es plus avec eux, tu es juif, tu es shaitan, tu es tout. Tous les mots de la tête, ils te la collent sur le dos. Sallallahu alayhi wa ta'ala, salam alayhi. Après, ils disent, les salafis ne cessent de médiser. Là, les salafis ne médisent pas. Les salafis transmettent ce que disent les hommes de science sur les égarés. Point. Les salafis sont dignes de la voix de leurs plus aïeux. Ils disent, les hommes de science ont dit ceci. Ibn Baz a dit sur Jama'at Tabligh ceci. L'Albani a dit ceci. Cheikh Rabi a dit ceci. Ta, etc. Point. Vous avez vu depuis, qu'est-ce que, par Allah, ça fait depuis jeudi qu'on étudie le livre. Est-ce qu'il y a une opinion qui vient de la raison dans le livre? Chaque chapitre, il le commence avec les versets du Coran. Les hadiths du prophète, les paroles du plus aïeux d'Allah, commençant par les compagnons et les imams de la communauté. يقول حفظه الله ولم يكن السلف يعتمدون رواية من كان هذا حاله كعباد بن يعقوب الرواجني الشيعي لكأنه كان يمتنح من سمع منه قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال عند ترجمته السلف رضوان الله عليهم ne prenez pas en considération, ne s'appuie pas sur la version et la version des hadiths de ceux qui étaient dans cette situation-là, comme l'adorateur, comme Abbad ibn Uqub Rojani, qui était chiï, mais c'était un chiï, qu'est-ce qu'il faisait? Il éprouvait les gens. Tu viens apprendre chez lui, il t'éprouve avant. Est-ce que tu es sur la même tendance ou pas? Comme le dit le Hafid Dhabi dans le Mizan, rahimahullah, en parlant de sa biographie. Il dit, الحافظ الذهبي وقال القاسم بن زكريا المطرز دخلت على عباد بن يعقوب وكان يمتحن من سمع منه فقال من حفر البحر قلت الله قال هو كذلك لكن من حفره قلت يذكر الشيخ قال حفره علي قال فمن أجراه قلت الله قال هو كذلك ولكن من أجراه قلت يفيدني الشيخ قال أجراه الحسين وكان مكفوفا فرأيت سيفا فقلت لمن هذا قال أعددته ليقاتل به مع المهدي فلما فرغت من سماع ما أردت منه دخلت فقال من حفر البحر قلت معاوية وأجراه عمرو بن العاص ثم وتبها وعدوت فجعل يصيح أدرك الفاسق عدو الله فاقتلوه وتمنتنو كم هذا إلى فيد لحديثة ترانسمتر الشتوت عن شكاك يبين لوي يبالي بروفي D'abord, il faut qu'il gobe ce qu'il a. La même chose, il arrive à certains de nos frères qui sont partis de France, de Belgique, etc. Se sont retrouvés dans certaines villes au Maroc. Ils ont commencé à avoir des affinités avec les écoles d'Imraoui, etc. Ils les éprouvent. Et certains parmi eux sont tombés dans leur filet. Ils les éprouvent pour voir ils sont sur la même voie que Cheikh Rabi et les hommes de science qui ont Bedda, Hada, le Mghraoui et les autres, ou là. Et jusqu'à. Ils sont dessus, aller travailler, etc., jusqu'à ce qu'ils lâchent. Et ils tombent dans leur filet. Pas croire. Il ne faut pas être imbu de soi. Et détrompe-toi. Écoute maintenant ce que dit. Al-Dahabi, on peut sorner en ce chiite. Qasim ibn Zakariya al-Mutarraz dit, je suis rentré chez Abad ibn Yaqub. Et Abad éprouvait ceux qui venaient écouter de lui, c'est-à-dire ceux qui venaient apprendre chez lui, il les éprouvait. Et il lui a dit, qui a creusé la mer? Il lui a dit, Allah qui l'a creusé. Zakariya lui a dit, c'est Allah qui l'a creusé. Il a dit, il en est ainsi, mais qui l'a creusé? Il dit, que Cheikh me le dise. C'est-à-dire, Hada Mutarraz lui a dit, que Cheikh me le dise. Il lui a dit, celui qui l'a creusé, c'est Ali. Il lui a dit, qui a fait couler la mer? Hada Zakariya al-Mutarraz, il lui a dit, Ibn Zakariya al-Mutarraz, il lui a dit, c'est Allah. Il lui a dit, il en est ainsi. Mais qui l'a fait couler? Il a dit que, Cheikh, il me donne ce point à retenir. Le Cheikh lui a dit, c'est le Hussein qui l'a fait couler. Il était aveugle. Il Qasim ibn Zakariya al-Mutarraz a vu à côté de lui un épée. Il lui a dit, c'est quoi ça? Il a dit, c'est mon épée avec laquelle je vais combattre avec le Mahdi. Le Mahdi dit le Shia. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, quand j'ai terminé d'écouter les hadiths qu'il avait, et ce que je voulais, un jour je suis revenu. Et il a dit, qui a creusé la mer? Je lui ai dit, Muawiya, et c'est Amr ibn al-As qui l'a fait couler. Et l'autre, il s'est. Il est allé pour prendre son épée et l'autre s'est sauvé. Il criait, Hada Sheikh, Hada Shi'i, il disait, attrapez-le pervers, attrapez-le, tu es l'ennemi d'Allah. Ou tu gobes son idée, ou après, tu n'es pas avec lui, il te scie. Ainsi les innovateurs, l'islam. Détrompe-toi. La gentillesse devant tout le monde. Là, il y a le rideau, il y a derrière le rideau. Il y a l'accolade qu'il te fait devant le commun des musulmans, il y a le coteau qu'il va te mettre dans le dos derrière le rideau. Ainsi. Ash-shartu al-thalith. La troisième condition pour prendre d'un innovateur, pour prendre le hadith qu'on transmet les innovateurs. Et ces conditions sont ces les hommes du hadith. أن يكون صادق اللهجة فإذا كذب سواء لنصرة مذهبه أو لقصد آخر ترد روايته بالإجماع فخرج بهذا الشرط جميع مبتدعة زماننا لأن الكذب شعارهم والتحريف دتارهم. قال الشيخ مقبل بن هادي الوادع في الحزبيين أركان الحزبية الكذب والتلبيس والتحريف. Et la troisième condition qu'ont les hommes du hadith pour accepter des innovateurs, c'est qu'ils soient véridiques dans ce qu'ils disent. Et s'ils mentent, soit pour faire triompher la voie sur laquelle il est, ou soit pour un autre but, sa transmission est rejetée par le consensus, l'unanimité. Il rejette. Et avec cette condition, on met de côté tous les innovateurs de notre époque parce que le kadib, c'est leur emblème. Le kadib, c'est leur emblème. Et tahrif, le fait de déformer les sens, ça c'est leur vêtement qu'ils mettent. Et Cheikh Mokhbir Rahimahullah, il dit les piliers de la Hizbiya, ce sont le kadib, le mensonge, déguiser les situations et déformer les sens. Je vais raconter une anecdote. J'ai écouté de mes propres oeufs. Un jeune Comorien qui venait des îles Comores avec Tablir. Il est venu. Moi, je faisais la sieste dans la mosquée, au coin. Ils ont commencé à parler. Et tout d'un coup, ce jeune Comorien, il parlait que français. Et il disait, Subhanallah, regardez cette place qu'avaient les compagnons. Un jour, Bilal n'est pas venu faire salat al-fajr. Regardez déjà. Tu étais, d'où tu le tiens? Il n'est pas venu faire salat al-fajr. Et le soleil ne s'est pas levé. À notre homme a fait la danne, ils ont fait le fajr, etc. Et le soleil ne s'est pas levé. Comme si le soleil se lève pour la danne de Bilal. Sallallahu subhanahu wa ta'ala sallam alayhi. Et quand Bilal est rentré dans la mosquée, le Rasulullah lui a dit, vas-y Bilal, adden, fais la danne. Et quand il a fait la danne, le soleil s'est levé. Croyez que c'est son mensonge sur le prophète. Comme si vous prenez le prophète pour qui, alayhi salatu salam. Vous le prenez pour qui? Pourquoi ces mensonges? Pourquoi ces histoires? Après, dans l'assemblée, ils crient tous Allahu Akbar, la place qu'ils avaient, le compagnon. On est d'accord avec vous qu'ils avaient une place de vertu, mais pas avec des mensonges. Subhanallah. Où on est? Où on est? Mentir comme ça. Et faire dire à Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam le faux. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam croit que le soleil se lève pour A'oudou Billah. Pour la danne de Bilal, A'oudou Billah min al-Khudlan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous préserve de ce genre de. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça que Cheikh Moukbil il dit que le mensonge est l'un des piliers des innovateurs. الشرط الرابع ألا يوجد غيرهم من أهل السنة فإذا وجد غيرهم تعين ترك حديثهم وفي هذا الزمان يقول الشيخ قد وجد علماء السنة بكثرة والحمد لله. Et la quatrième condition, c'est que il n'y a pas d'homme de la sunna chez qui apprendre. Hein? Et si les gens de la sunna sont présents, on délaisse l'apprentissage chez les innovateurs. Et on délaisse leur hadith. Et à notre époque, dit Cheikh, les hommes de la sunna sont nombreux. Et la louange est à Allah. Donc il n'y a pas lieu à aller étudier chez les innovateurs. Le wajh al-thalith, هو أن تجويز الدراسة عند أهل البدع في هذا الزمان قياسا على رواية بعض السلف عن أهل البدع قياس مع الفارق. Et le troisième cas de figure, du fait de permettre l'étude chez les gens d'innovation à notre époque en faisant l'analogie avec le fait que Salaf ont pris des hadiths des innovateurs, ceci est une analogie avec la différence. قال الدكتور الرحيلي في كتابه القيم موقف السنة والجماعة من أهواء البدع. وأما في مسألة تلقي العلم عن المبتدع من غير رواية كشرح النصوص وتفسيرها واستنباط الأحكام منها وتقريرها فالأمر في ذلك يختلف عن الرواية وأحكامها فقد لا ينظر في هذه المسألة إلى صدق المبتدع أو عدمه بقدر ما ينظر إلى تأثير التلاميذ في بدعته أو عدمه ونوع العلم الذي يدرسه هل هو متعلق ببدعته أم لا وهذا الكلام عليه ملاحظات سيبينها الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى Abdullah Soumali. Et le troisième cas de figure, c'est que le fait de permettre d'étudier chez les gens de l'innovation à notre époque, c'est faire l'analogie avec la différence qu'il y a entre les deux cas. Donc le fait que Salaf ont pris le hadith des innovateurs, ça c'est une situation. Le fait d'étudier chez les innovateurs à notre époque, ça c'est autre chose. Il n'y a aucune comparaison entre les deux cas. Docteur Rouhaili, dans son livre, La position des gens de la Sunna, et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, en ce qui concerne les gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion, et ce livre, il y a des erreurs dedans sur lesquelles attirent l'attention les hommes de science. Et ici, le passage, ici, c'est un passage dans lequel il y a des erreurs, mais Cheikh, il l'a cité ici, pour attirer justement l'attention sur ceux, hein, sur cela. Il a dit, Abdullah Ada Ruhaili, il dit, en ce qui concerne le fait d'apprendre chez les innovateurs, sans apprendre d'eux la transmission du hadith, comme le fait d'apprendre chez eux l'interprétation des textes, ou l'ahkam, autre, il dit, cela est différent de la transmission, et différent du hukm qui découle, qui concerne la transmission. Il dit donc, à ce niveau-là, on ne regarde pas la véracité de l'innovateur ou la non-véracité de l'innovateur. Mais ici, on regarde l'impact que peut avoir l'innovation de la personne sur les élèves ou l'absence de l'impact de l'innovation sur les élèves. Et le genre de science qu'il est en train d'enseigner. Est-ce que cette science, il a rapport avec son innovation ou il n'a pas rapport ? Tu entendras après la réplique à ce genre d'expression après. يقول ومن الفروق أيضا أن المبتدع القدماء من يروي أحاديث وهي عليهم بخلاف مبتدعة زماننا، لأنه لا يكاد أحدهم يروي عن عالم قولا وهو عليه، فإما أن يترك القول كله وإما أن يأتي به محرفا. الشيخ عبد الله الصومالي يقول la différence entre les innovateurs de notre époque et les anciens, c'est que les anciens, ils citaient des hadiths, même si les hadiths vont contre eux et contre leur innovation. Et contre les innovateurs de notre époque, ils ne cessent pas de déformer les paroles des hommes de science quand ils ne vont pas dans leur sens. Et chaque parole qui, soit ils vont amputer le texte, ils vont amputer des passages du texte, soit ils vont lui donner une autre signification. Ils ne vont pas le citer du moment qu'il ne va pas dans le sens de leur innovation. Ça concerne les contemporains. يقول ومن الفروق أيضا أنه كان عند المتقدمين من أهل البدع أسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من العلماء من يروي عنهم وعن غيرهم من الضعفاء حفاظا على السند الذي اختص به هذه الأمة. Et parmi les différences qu'il y a, c'est que chez les anciens, parmi les gens de l'univers, ils avaient des chaînes de transmission qui remontaient à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait parmi les hommes de science qui transmettaient des faibles pour protéger justement les chaînes de transmission qui sont la particularité de cette communauté. وَمَّا فِي هَذَا الزَّمَانِ يَقُولُ الشَّيْخِ فَلَسْنَا بِحَاجَةٍ إِلَىٰ أَنْ نَرْوِي عَنْ أَهْلِ الْبِدَعِ لِأَنَّ السُّنَّةَ قَدْ دُوِنَتْ حَتَّى وَإِنْ كَانَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ أَسَانِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الشيخ عبد الله الصومالي dit, mais à notre époque maintenant, on n'a pas besoin de transmettre des innovateurs, même si ils ont des chaînes de transmission, parce que la sunna, il a été recueillie dans les livres. Même si certains, ils ont des chaînes de transmission. Et il dit, sur Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول ومن الفروق أيضا أن المبتدعة الأوائل كانوا مع بدعتهم علماء ومحبين للعلم بخلاف كثير من المتأخرين منهم وخصوصا الحزبيين باختلاف أنواعهم. Et la différence qu'il y a aussi entre les innovateurs anciens, c'est qu'ils étaient des hommes de science et ils aimaient la science, contrairement aux contemporains maintenant. Ils n'ont pas de science, hein. Et les hizbis de notre époque, ils n'ont pas de science. Donc toutes les différents innovateurs, ils n'ont pas de science à l'islam. Quelle science il a Ahmed Ada Hassan Hussein? Quelle science il a Tariq Ramadan de la législation? Quelle science il a Younes, le chef, l'émir de France de Jamaat Tabligh? Qui d'autres? Hein? Parmi ceux qui vous entourent, etc. Laquelle? Aucune. Aucune à l'islam. Quant aux innovateurs anciens, à l'époque d'Yel Salaf, ils avaient de la science. Ils aimaient la science. Quant à cela, ils détestent la science et les hommes de science. Ils détournent la jeunesse de la science et les hommes de science. Ash-shubhatu thalitha. استدل بعضهم على تجويز الدراسة عند أهل البدع في هذا الزمان بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، بأن بمعنى أنه لا يجد من يدرس عنده من أهل السنة. Et la troisième ambiguïté, c'est que certains prennent comme preuve le fait de permettre d'étudier chez les gens de l'innovation à notre époque cette règle que la nécessité autorise ce qui est interdit. Ça veut dire que si tu trouves pas, qu'on ne trouve pas des gens de la sunna qui étudient. La réplique à ça. ويجاب عن هذه الشبهه من وجهين لا ريبليكاسا دو دو كات فيغور. الوجه الاول هو ان الكلام مردود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين الى قيام الساعه، والواقع يشهد لذلك. La deuxième réplique, c'est la parole du prophète alayhi salatu wasalam directement qui dit restera une petite fraction de ma communauté, un petit groupe de ma communauté sur la vérité, apparent sur la vérité, faisant apparaître la vérité, et ceci jusqu'à la fin des temps. Et ce que tu vis te le témoigne. Regarde le nombre de sciences qu'il y a, le nombre d'hommes de sciences dignes du nom. وقد يقال إن هذا الطائفة إن هذه الطائفة قد تكون في قطر دون قطر وفي بلد دون بلد، فمن كان في بلد ليس فيه من الطائفة المنصورة أحد، هل يجوز له أخذ العلم عن من كان موجودا في ذلك البلد من أهل البدع؟ إيه peut-être qu'il sera dit que ce groupe victorieux qui est sur la vérité, il est dans un pays sans être dans un autre pays, ou dans un continent sans l'être dans notre continent. Et celui qui est dans un pays dans lequel il n'y a pas ce groupe, qui lui permet de prendre, et ce qui lui permet de prendre la science, c'est les innovateurs. يقول الشيخ فنقول إذا حصلت لحد مثل ما وصفت لنا وهي أن يكون في بلد ليس فيه أحد من أهل السنة يجب عليه أن يرحل إلى أهل العلم من أهل السنة ليتعلم واجبة دينه لأن طلب العلم واجب كما قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Et il dit, si la situation, comme tu nous décris maintenant, qu'il soit dans un pays où il n'y a pas les gens de la sunna, il est obligatoire pour lui de voyager pour aller chercher la science. Car le demande de la science, de la religion, est obligatoire. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, la demande de la science est obligatoire pour tout musulman. Supposons qu'il n'y a pas, il est de ton devoir d'aller voyager, d'aller chercher la science de ta religion. Et de ne pas la prendre chez les gens de l'innovation. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيح باب الخروج في طلب العلم ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. Dans l'authentique dit l'imam Bukhari, il parle, faites de sortir pour la demande de la science, pas sortir pour faire le globe trotteur, pas sortir pour aller propager les nuances. Là, chapitre sortir à la demande de la science. Jabir ibn Abdillah qui était un compagnon, il a mis à côté du titre Jabir ibn Abdillah qui était un compagnon, il sortit pour aller voir Abdullah ibn Abdillah Maysara, la marche d'un mois pour un seul hadith. Un compagnon, il a entendu le hadith de quelqu'un d'autre, mais il voulait avoir le plus haut de la chaîne directement de la personne qu'il a entendu du prophète. Il a fait un voyage d'un mois. يقول حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قاضي حمص قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع إنك ستلقاه فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان وأن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه وانظر صحيح البخاري. Ici je t'évite la chaîne de transmission. Abdullah ibn Abbas, le Utaïb ibn Mas'ud, le rapport d'Abdullah ibn Abbas, qu'Abdullah ibn Abbas était en train de discuter avec Al-Harr ibn Qais ibn Hasl al-Fizari en ce qui concerne le compagnon de Moussa alayhi salam, c'est-à-dire Al-Khadr. Et Ubay ibn Ka'b est passé. Abdullah ibn Abbas l'a appelé, lui a dit, dis-moi, je suis en train de discuter sur le compagnon de Moussa alayhi salam. Celui qui a posé la question, comment aller le rencontrer. Moussa a posé la question, comment aller rencontrer le Qadr. Il lui a dit, est-ce que tu as entendu le prophète alayhi salam dire quelque chose sur cette histoire, l'histoire entre Moussa et le Qadr. Ubay lui a dit, certes j'ai entendu le prophète alayhi salam parler et dire que Moussa, quand il était en train de discuter dans une assemblée de Bani Israël, un homme est venu lui a dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui a plus de science que toi? Et Moussa lui a dit non. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé à Moussa, certes, un de nos serviteurs, notre serviteur, Khadr, a plus de science que toi. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala comment aller à la rencontre de Khadr. Pourquoi aller à la rencontre? Pourquoi voyager vers le Khadr? Pour apprendre la science qu'il a à l'islam. Pour comprendre que ce chapitre, si le Bukhari il l'a mis, te montre que même le prophète allait à la recherche de la science. Pourquoi nous on n'irait pas? Le compagnon Jabir est allé pour un hadith. Pourquoi moi et toi on n'irait pas? voyager pour aller à l'apprentissage de notre science. Et il lui a dit, hein, comment le rencontrer? Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait le signe du poisson. Hein, et comme l'histoire nous a été contée dans Sourate Al-Kahf, qu'on lit tous les vendredis. Hein, et à un moment donné, il pose la question à son serviteur, où il est le hut, où il est le poisson? Il a dit, je l'ai oublié, et c'est Shaitan qui me l'a fait oublier, etc. Il dit, c'est ce que nous voulons, ils sont revenus sur leurs traces. Et au moment de revenir pour chercher le poisson, ils ont trouvé Khader. Et l'histoire, comme il est conté, hein, dans le livre. Cette histoire, c'est Imam Bukhari, il a sorti ici pour te montrer que les prophètes ont voyagé pour aller à la recherche de l'océan. Le compagnon avec lequel il a mis Jabir, l'histoire de Jabir, il l'a mis en titre du chapitre, montrait qu'il faut voyager pour aller à la recherche de la science. Dis-le. قال الحافظ وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي حديث جابر دليل على طلب علو الإسناد لأنه بلغه الحديث عن عبد الله بن أنيس فلم يقنعه حتى رحل فأخذه عنه بلا واسطة وسيأتي عن ابن مسعود في كتاب فضائل القرآن قوله لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه وقيل لأحمد رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير ويرحل فقال يرحل يكتب عن علماء الأمصار فيشافه الناس ويتعلم منهم انتهى المراد من الفتح الحافظ a rapporté une interprétation de ce hadith. Il dit dans le hadith de Jabir une preuve qu'il faut chercher le plus haut de la chaîne de transmission. C'est-à-dire la chaîne de transmission qui va te rapprocher le plus du prophète. Qu'est-ce qu'il a fait Jabir? Au lieu de se contenter d'une troisième personne entre lui et le prophète, il est allé chercher la première personne qui a entendu du prophète. Ce qu'on appelle ulul isnad, hein, le plus élevé degré de la chaîne de transmission. Il a été le voir. Il ne s'est pas suffi du fait de le prendre de quelqu'un d'autre. Il a voulu le prendre de celui qu'il a pris directement du prophète. Et il a dit, ça, il va arriver dans les vertus du Coran, hein, la parole d'Abdullah ibn Mas'ud qui a dit, si je sais quelqu'un qui connaît plus que moi le Coran, j'irai le voir. Pour le prendre directement de lui. Dire la personne l'a pris directement du prophète, lui, il va aller directement. S'il sait où il est, il va aller le voir pour prendre directement. Et on a dit à l'imam Ahmed, si quelqu'un est en face d'un homme de science qui a beaucoup de science, est-ce qu'il reste à demander la science avec lui ou il voyage pour la recherche de la science? L'imam Ahmed, il lui a dit, tu voyages chez les hommes de science des autres pays pour que tu rencontres les gens et que tu y apprennes encore plus. Hein? Donc, le voyage pour aller chercher l'ilm, pour aller chez la science, c'est une sunnah. Chez Salaf Ridwanullah alayhim. Il était une sunnah chez le compagnon, comme nous l'avons vu avec Jabir, et une sunnah chez ceux qui sont venus après. يقول الشيخ قلت فإذا كان هذا شأن الأنبياء والصحابة والسلف الصالح مع أنه كان عندهم من العلم أضعاف وأضعاف ما عند علماء المتأخرين ولكن ازديادا من العلم فما بالك من لم يكن عنده من واجبات العلم ولا من مستحباته شيء كان تالينا ها يجي حفظه الله تعالى. Si maintenant ça c'est la situation du prophète et des nobles compagnons et les plus vertueux, ils étaient hachés avec la science, la grande science qu'ils avaient, et ils avaient le double du double de la science qu'on est les contemporains et les derniers, et pour augmenter encore leur science ils vont voyager. Qu'est-ce qu'il en est de ceux qui n'ont même pas les obligations de la science, même pas le surrogatoire de la science? Par exemple, comme nous par exemple, qu'est-ce que nous devons faire encore? On va aller apprendre chez les innovateurs ou aller chercher les hommes de science dignes et aller apprendre chez eux. يقول الشيخ فمثل هذا ينبغي له أن يتعلم العلم عن أهل السنة والجماعة الموجود في بلده وإلا ارتحل إليهم والله أعلم. Dit, ce genre de personne, il doit apprendre la sunna et la science de la sunna, c'est les gens de ce pays, s'ils existent. S'ils n'existent pas, il doit voyager chez les gens de la sunna, et cela Allah sait. يقول وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Et dans l'authentique de Muslim, il est dit dans le hadith d'Abu Huraira que le Rasoul صلى الله عليه وسلم dit, celui qui prend un chemin, quand il va chercher la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Et le fait d'aller chercher la science, c'est un chemin. Allah, il te facilite un chemin vers le paradis. وأما الوجه الثاني فيقول لا يجوز لأحد أن يدرس عند مبتدع ولو لم يجد غيره من أهل السنة لأمرين. Et le deuxième cas de figure pour répliquer à ça, il n'est pas permis d'étudier chez les gens de l'innovation même s'il trouve personne. Que ces innovateurs, il n'est pas permis. Hein? Pour deux cas de figure. الأول لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الطويل المتقدم وفيه هل بعد هذا الخير من شر قال نعم فتنة عمياء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله ما تأمرني إذا أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن له جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. Et le premier cas de figure à répliquer à ça comme quoi il n'est pas permis d'apprendre, même s'il n'y a personne dans ton pays et qu'il n'y a qu'un innovateur, tu n'apprends pas chez lui, c'est ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, hein, qui est un hadith long. Et Cheikh, il a pris juste le passage qui est un témoignage. Il dit, ou Hudayfa ibn al-Yaman, il dit, est-ce qu'après ce bien, il va y avoir un mal? Et il dit, certes, une fitna aveugle, des prêcheurs sur les portes de l'enfer, celui qui leur répond, ils vont le jeter au feu de l'enfer. Il a dit, ya Rasulallah, qu'est-ce que tu m'ordonnes dans ces cas-là? Si je vis à ce moment-là, qu'est-ce que tu m'ordonnes? Il a dit, tu restes avec le groupe du musulman et leur gouverneur. Hein, tu ne sors pas. Hein, tu restes avec les musulmans et leur gouverneur. Il dit, s'ils n'ont pas de gouverneur, ils n'ont pas de groupe, qu'est-ce que je fais? Il a dit, tu t'éloignes de tous ces groupes. Tu restes avec aucun groupe. Même si tu mords sur le tronc d'un arbre, jusqu'à ce qu'on mort s'en suive. Éloigne-toi de tout le monde. يقول الشيخ فأبان لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حصلت الفتنة والبدع ولم يوجد إلا الدعاة إلى الفتن والبدع أن نعتزل منهم جميعا وهذا واجب لقوله صلى الله عليه وسلم فاعتزل. Il a dit, Hafidahullah Ta'ala, Cheikh Abdullah Soumali, Rasoul Salah nous a éclairé, quant au moment de la fitna et des innovations, s'il n'y a que les prêcheurs de la fitna et de l'innovation, qu'on doit s'éloigner de tous et de rester tout seul. Il a employé le terme à l'impératif, et éloigne-toi de tous et reste seul. Éloigne-toi, mets-toi à l'écart. C'est un verbe à l'impératif, et l'impératif dont la législation signifie l'obligation à l'islam. الأمر الثاني هو أن السلامة لا يعادلها شيء وذلك أنك إذا لم تسمع عن أي أحد بقيت على فطرتك والأصل في عامة المسلمين السنة إلا من تغيرت فطرهم بمجالسة أهل الأهواء وأنت مع جهلك يرجى لك الخير في الدنيا والآخرة وتعتبر في هذه الأحال أفضل من عالم من علماء أهل الأهواء وقال ابن عثيمين في شرح الأصول الثلاثة أما الفطرة بوجود الله فإن كان كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعلم ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الشيخ دو دونير, le deuxième point pour répliquer à ça, c'est que faites d'être épargné et d'être dans la paix et d'être tranquille, ça rien ne vaut la paix. Et le fait d'être tranquille dans sa religion et d'être épargné des erreurs et de l'innovation. Parce que si tu n'écoutes pas de personne, c'est-à-dire tu n'écoutes d'aucun innovateur, tu vas rester sur la nature sur laquelle Allah il t'a créé. Et l'origine, dans le commun des musulmans, c'est qu'ils sont sur la sunna. Sauf ceux dont leur nature sur laquelle ils ont été créés ont été altérés par le fait d'avoir été en compagnie des gens de l'innovation. Et toi, avec ton ignorance, il y a à espérer que tu sois dans un grand bien dans ce bas monde et dans le delà, et que dans ces cas-là, tu es considéré mieux que beaucoup de savants de l'innovation. Et Cheikh Al-Uthaymeen de dire en bas, dans Cheikh Al-Usul Talata, Al-Fitra, c'est sur laquelle tu es créé, c'est que tu crois en l'existence d'Allah. Et il dit, toute créature est... Il est né sur la fitra, sur la foi. Voilà. Sans qu'on lui apprend, sans qu'il y pense. Il ne se détourne pas de cette fitra que celui qui a quelque chose d'étrangère, qui est venu le faire détourner. Rasoul Salah l'a dit, tout nouveau-né est né sur la fitra, sur la nature. يقول حفظه الله فياك وإياك أن تطمع في فيما عندهم من الضلال. Il fait attention, n'aie pas envie de ce qu'ils ont comme une innovation et comme égarement. فتبين مما تقدم خطأ كلام الدكتور الفاضل إبراهيم الرحيلي ومن قال بقوله في هذه المسألة أي يقول في كتابه موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع والأهواء بعد أن قرر منع الدراسة عند أهل البدع وهذا الذي تقرر هنا من عدم جواز استخدام أهل البدع في التعليم والتدريس إنما هو في حالة السعة أما في حالة الضرورة فاستخدامهم جائز إلدي حفظه الله تعالى partant de là il apparaît l'erreur qu'a dit Docteur Ibrahim al-Ruhayli, quand il a dit concernant ce sujet dans son livre, cité auparavant la position des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna en ce qui concerne les gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion, après que le docteur a confirmé l'étude chez les gens de l'innovation, il a dit ah, ça tu vois, que ce qui est confirmé et ce qui est prouvé, c'est que il ne faut pas utiliser les gens de l'innovation dans l'enseignement. C'est ce qu'il a approuvé auparavant, Dr. Ruhayli. Mais après, il a vu ça, mais quand on est dans les ondes, quand il y a les ondes de science, etc. Il a dit qu'en cas de nécessité, il est permis de les utiliser. Et ça, c'est faux. C'est pour ça que Cheikh il dit, il n'a pas dit, de là, il t'apparaît l'erreur dans laquelle, qui est dans les paroles de Cheikh Ruhayli. Yaqul faman fahima ma qaddamna حق الفهم علم خطأ هذا الكلام وأن هذه ضرورة المدعات ليست موجودة أصلا وهي ناشئة عن فرض ممتنع يفرضه صاحبه. Il dit celui qui a compris ce que nous avons devancé, non mais nous avons mis auparavant comme parole de la meilleure des compréhensions, il comprit que cette nécessité qu'on prétend n'existe pas à l'origine et que c'est une nécessité qui existe dans les suppositions de ceux qui la supposent tout simplement. وَمَّا قَوْلُهُ يُوَكَّلُ التَّدْرِيسُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ مَا الْحَذَرِ مِنْهِ. Et quand il dit, c'est-à-dire toujours, Dr. Ruhayli, on délègue l'enseignement dans ces cas-là à celui qui est capable parmi les gens de l'innovation en faisant attention à lui, il dit فَمَرْضُوضٌ بِقِصَّةِ أَبِينَ آدَمْ وَزَوْجَتِهِ مَعَ إِبْلِيسِ عليه لعائن الله إذا خرجهما من الجنة بمجرد الوسوسة ولم يقدر الحذر منه وحفاظ قلبهما من كلامه. Et ceci, quand il a dit qu'on délègue l'enseignement dans ces cas-là celui qui est capable parmi les gens de l'innovation en faisant attention. Ça c'est les paroles d'Al-Ruhayl. Il dit ceci est à rejeter avec l'histoire qui est arrivé à notre père Adam et sa femme Hawa avec Iblis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le maudisse. Quand il les a sortis du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala les a avertis. Mais pourtant, Shaitan, avec leur waswasa, il est arrivé à les faire sortir de là. وَمَرْضُودٌ أَيْضًا بِقَوْلِهِ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Et aussi, sa parole est rejetée avec ce verset qui dit « Quand ils ont dévié, Allah il a dévié leur cœur, et Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les peuples pervers. » قَالَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي تَفْسِيرِ عِنْدَ قَوْلِهِ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَمَّا عَدَلُوا وَجَارُوا عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Ibn Jarir, dans son interprétation de ce verset, il dit « Quand ils ont, et leur cœur ont dévié, Allah il les a fait dévier. » Quand ils ont dévié Allah, il a fait dévier leur cœur. Il a dit, quand ils ont dévié de la voie droite, de la voie d'Allah, Allah, il a fait dévier leur cœur. يقول ومثل قوله أو قريبا من قوله قال جمع من المفسرين عند الآية فمن عدل عن طريق الحق إلى طريق الباطل مع علمه بذلك يزيغ الله قلبه كما ذكره في هذه الآية وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Et la même parole, c'est-à-dire de l'imam Tabari, ou proche de cette parole, quand il a dit qu'un certain nombre d'exégètes du Coran à ce niveau de ce verset disent que celui qui se détourne de la voie de la vérité vers la voie du faux en sachant Allah il va dévier son cœur et comme il est dit dans l'autre verset et ceux qui sont guidés Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire ceux qui font, prennent la voie droite Allah subhanahu wa ta'ala leur augmente leur guide et leur donne la piété أي الذين سلكوا طرق الهداية يهديهم الله إليها بخلاف من لم يسلك طرق الهداية. Celui qui prend le chemin de la guidée, Allah il va l'accomplir, il va lui ouvrir le chemin de la guidée. قال ابن كثير في تفسيره والذين اهتدوا زادهم هدى الذين قصدوا الهداية وفقهم الله تعالى لها فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها وآتاهم تقواهم أي ألهمهم رشدهم. ابن كثير de dire à ce verset et ceux qui sont guidés, Allah subhanahu wa ta'ala leur augmente la guidée, dit ceux qui ont voulu la guider et qui ont voulu suivre Allah subhanahu wa ta'ala les accomplit dans le chemin de la guider et les raffermit dans la guider et dans la bonne voie, il leur augmente leur piété, c'est-à-dire il les oriente dans le bon sens et dans la bonne voie. وقال الشوكاني في تفسيره عند الآية والذين اهتدوا زادهم هدى أي والذين اهتدوا إلى طريق الخير فآمنوا بالله وعملوا بما أمرهم به زادهم هدى بالتوفيق. الشوكاني il dit concernant ce verset et ceux qui ont pris le chemin de la guider, Allah subhanahu wa ta'ala leur augmente la guider, hey, ceux qui ont pris le chemin du bien et qui ont cru en Allah et qui ont fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de faire, Allah il augmente leur guider, il les accomplit dans le bien. فبين الله تعالى أن الذي يهديه هداية التوفيق إنما هو الذي يأتي بأسبابها ويسلك طرقها فكيف يمكن لأحد بعد هذا أن يأخذ العلم عن أهل الأهواء ويحذر من بدعهم ويحذر من بدعهم. الشيخ de nous dire ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré, nous a éclairé comme quoi que celui qui va être guidé min Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui prend, qui utilise les moyens de la guider et qui prend le chemin de la guider. Comment après ça, il s'y a quelqu'un de prendre la science des gens de l'innovation, de ne pas faire attention hein, et de ne pas avertir contre les gens de l'innovation. Wa qawluhum yukhadu al-ilmu an ahli al-bid'a ma al-hadari minhum innama huwa bi minzalati qawli al-qa'il aqtahimu fi an-nar wa ahdaru min al-ihtiraq. Et quand ils disent on prend la science des innovateurs et on fait attention à leur innovation, c'est comme quelqu'un qui dit je traverse le feu et je fais attention pour ne pas être brûlé. Comment tu traverses le feu et que tu ne vas pas être brûlé? Subhanallah. ثم إن الدكتور الرحيلي نقل في كتابه السابق أقوال السلف في النهي عن مجالسة أهل الأهواء فضلا عن الأخذ منهم فلماذا ما عقدوا أبوابا في تبيين هذه الضرورة المدعاة. الشيخ دو ريبليكا الدكتور الرحيلي دو ليدير الشيخ الرحيلي a mis dans son livre les paroles d'El Salaf qui vont dans le sens de l'interdiction d'apprendre et de s'asseoir avec les innovateurs. Et pourquoi les Salaf, ils n'ont pas mis un titre ou un chapitre comme quoi dans la nécessité on peut apprendre chez eux. وأما شيخ الإسلام فقد شرط في هذه المسألة أن يكون الضرر مرجوحا وهذا لا يتأتى في مسألة أخذ العلم والتفقه بأيدي أهل علماء أهل البدع وقد قدمنا أقوال العلماء في هذه المسألة فراجع. كنت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه pour cette condition du fait d'apprendre chez les gens de l'innovation dit contre le mal on ne peut pas être atteint par le mal. Et ça, dit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, ce n'est pas possible. Dans le fait d'apprendre chez les hommes de science, de l'innovation, c'est pas pour. Tu vas être tacheté. Et les paroles d'hommes de science que nous avons lues auparavant sont très claires là-dessus. الشبهه الرابعه والاخيره وبها يختم الكتاب la dernière ambiguïté et avec ça se termine le livre inshallah. استدل بعضهم على تجويز اخذ العلم عن اهل البدع بقصه ابي هريره رضي الله عنه مع الشيطان فقالوا اخذ ابي هريره ايه الكرسي عن الشيطان وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك يدل على اباحه اخذ العلم عن اهل الاهواء. Et la quatrième ambiguïté, certains qui disent on prend la science chez les gens de l'innovation, ils ont pris comme preuve l'histoire de Abi Huraira qui est authentique avec Shaitan, que Shaitan a pris comme quoi il y a le kursi de Shaitan et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé sur ça et qu'il dit ça, cet acte d'Abu Huraira permet le fait d'apprendre chez les gens de l'innovation. الجواب فيقال لأصحاب هذه الشبهة إلي دي أسو كي قوب ستنبيغويتي كي بروبا ستنبيغويتي أولا إنكم أخطأتم في قولكم إن أبا هريرة أخذ آيات الكرسي عن الشيطان لأن أبا هريرة لم يصدق الشيطان حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأقر له النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ أبو هريرة شرعية ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن الشيطان. Il dit حفظه الله تعالى premièrement vous êtes tombé dans l'erreur en disant qu'Abu Huraira a pris le verset d'Ayat al-Kursi comme quoi il le préservera du shaitan. Non, Abu Huraira n'a pas pris comme véridique ce que lui a dit le shaitan. jusqu'à ce qu'il est venu voir le prophète alayhi sallam. Il lui a annoncé ce que lui a dit Shaitan, et à ce moment-là, c'est le Rasoul qui lui a donné la législation d'utiliser Ayat al-Kursi pour se protéger quand il dort. C'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et non pas Shaitan. Il l'a pris de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est venu, il a dit, il m'a dit ceci, cela. C'est pas Shaitan. Donc de là, il se trompe quand il prend cette preuve pour décréter qu'il est permis d'apprendre chez les gens de l'innovation. وَإِذَا فَتِلْكَ وَاقِعَةٌ حَصَلَتْ زَمَنَ نُزُولِ الْوَحِي فَكُلُّ فِعْلٍ حَصَلَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فَالشَّرْعُ إِمَّا أَنْ يُقِرَّهُ وَإِمَّا أَنْ يَنْفِيَهُ. Et il dit, et quant à cet événement et cette histoire, il est arrivé au moment de la révélation. Et qu'au moment de la révélation, quand il arrive une histoire et Sahabi vient la conter au prophète, soit la législation va la prouver, soit il va la rejeter et la mettre de côté. فَيَقُولُ الشَّيْخ فَكُلُّ فَأَيُّ وَحْيِ الْآنِ يُبَيِّن لَنَا صِدْقَ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنْ كَذِبِهِمْ. Et où est maintenant la révélation qui va nous montrer maintenant la véracité des gens de l'innovation et leurs mensonges. وَإِذَنْ فَتْحْلِيمُ أَخْدِ الْعِلْمِ عَنْ أَهْلِ الْبِدَعِ مُسْتَفَادٌ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَبْلَ غَيْرِهِ مِنَ الدِّلَالَةِ الْوَاضِحَةِ فِي ذَلِكَ. Il dit, et aussi, l'interdiction d'apprendre la science des gens de l'innovation, il est prise de ce hadith. Plus que d'autres hadiths. Le hadith de Abu Huraira de son histoire. وَذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ كَذُوبٌ. Et cela, tu le prends d'où? De la parole du prophète alayhi sallam qui dit, et c'est un menteur. لِأَنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَمَّا أَتْبَتَ لَهُ الصِّدْقَ فِي هَذِي الْمَسْأَلَةِ فَأَوْهَمَ لَهُ صِفَةَ مَضْحِي. فلما أثبت له الصدق في هذه المسألة فأوهم له صفة مدح استدرك ذلك بصيغة المبالغة في الدم بقوله وهو كذوب لأن لا يبقى لأهل الباطل ما يستدلون به لباطلهم. يقول lui a dit c'est un menteur. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a utilisé un superlatif. Il a dit صدق صدقك, il t'a dit vrai, mais pour montrer son défaut il a utilisé le superlatif. Il a dit mais c'est un grand menteur. Et quand il lui a confirmé, comme il lui a dit que il a dit vrai, et ça suppose une éloge, il l'a suivi cet éloge par le superlatif. Et de là, t'apparaît comme quoi il est faux de prendre cette histoire pour dire qu'on peut apprendre chez les gens de l'innovation. Et que c'est faux leur le fait d'utiliser cette histoire. وَإِذَا فَإِنَّكُمْ إِذَا أَخَدْتُمْ الْعِلْمَ عَلْ أَهْلِ الْبِدَعِ إِنَّمَا تُعْتَبَرُونَ آخِدِينَ ذَلِكَ عَنْ جُنُودِ الشَّيْطَانِ وَمَعْرُوفٌ أَنَّ الْجُنُودَ يُفْسِدُونَ مَا لَيُفْسِدُهُ الرَّئِيسِ قَالَهُ شَيْخُنَا حَفِظَهُ اللَّهُ الشَّيْخِ يَحْيَى الْحَاجُورِ. Et aussi, il cite la parole de Cheikh Al-Hajjouri حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى, où il dit, dans ces cas-là, si vous prenez la science, c'est les gens de l'innovation. Dans ces cas-là, vous êtes considérés comme des gens qui prennent la science dans l'armée, chez l'armée du shaitan. Et il est connu que l'armée fait plus de mal que le commandant. Qui fait le plus de mal? C'est l'armée et non pas le commandant. Ainsi a dit Cheikh Hal Hajjouri Hafidhahullah Ta'ala. وَإِذًا فَأَهْلُ الْبِدَعِ يُعْتَبَرُونَ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَشَيَاطِينَ الْإِنْسِ أَشَدُّ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ شَيَاطِينِ الْجِنِ. Et aussi, les gens de l'innovation, dit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, sont considérés parmi les shayatines des humains. Et les shayatines des humains, en ce qui concerne l'être humain, sont pires pour les êtres humains que les shayatines du diable. قَالَ تَعَالَى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. Il est dit dans le verset, ainsi nous avons fait qu'à chaque prophète il a des ennemis parmi shayatin et parmi les humains, et ceux-là ils révèlent les uns aux autres des belles paroles, des paroles qu'ils embellissent, des fausses paroles qu'ils embellissent. Et si Allah le voulait, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les baigner dans le mensonge qu'ils y mettent. قال القرطبي رحمه الله في تفسيرها عند هذه الآية وقد روى عوف بن مالك عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس والجن والجن؟ قلت يا رسول الله وهل للإنس شياطين؟ قال نعم نعم وهم شر من شياطين الجن. وقال مالك بن دينار إن شياطين الإنس أشد على الإنس علي من شياطين الجن وذلك إني إذا تعوذت بالله ذهب عني شياطين الجن وشياطين الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي. القرطبي a dit dans son interprétation de ce verset, ainsi nous avons fait à chaque prophète des shayatin parmi les djinns, des ennemis des shayatins parmi les génies et les humains, il dit, il a été rapporté par Aouf ibn Malik, d'Abi Dharr, il a dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu as cherché refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du mal des shayatins, des humains et des jinns? Il a dit à Rasoul Allah, est-ce que les humains ont des shayatins? Il a dit, certes, ils ont des shayatins, ils sont pires que les shayatins des jinns. Malik ibn Dinar a dit, Shayatin les djinns pour lui sont pires pour lui que de shayatin le diable. Hein? Que le diable du shayatin, que les shayatin du diable. Il dit parce que quand je cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, des shayatin des djinns, hein? Les shayatin des djinns ils s'en vont. Mais les shayatin des humains, ils ne cessent d'être à côté de moi pour m'attirer vers la désobéissance. Ainsi se termine cette risale, inshallah, face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, j'alna wa iyaakum illadina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, wa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in, barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum wa jazakum allahu khairan,